Je pose ma paire de couilles et toi pourquoi on emmène tu qu'une. Pourquoi tu suis, tu sais pourquoi tu pleures, parce que tu saignes du cul. Nous on t'enseigne du culte, pas de crasse ou des hauts dehors. On sort la tête de l'eau, je crois pas qu'on vaincra sous des halls. De haut tu veux nous prendre, mais on verra tes globules. On n'attendra pas que l'obule bou pour enfin t'aige l'obus. On protège nos bulles, bou, n'en viens pas les contrer. Déjà bien préoccupé par toutes les galères qu'on traîne. Si tu vois Swagman dans la rue, balave son rectum. Ou prends-le pour un paillasson, welcome. Paye ton fit, j'mets du caviar dans la chie parmentier. J'suis Karsmi par entier, issu de quartier où la chiche par entier. Depuis que les jeunes rêvent de drogue argentin, les plus fashion portent des frocs l'argentin et jouent les dogs argentins. Entre en man et anti, y'a trop d'années qu'on tisse des breuvages irlandais, polonais, pas trop man et conti. J'aime pas les gays, dis-le à Mustapha et la Tracy. Comporte-toi comme lui et avoue que ta femme elle a tracé. L'État nous prend pour des polichinelles. J'baisse les médias et leur jolie chimère Sarko et sa police skinette. J'ai pas la vie de château de Tchaïkovski. Donc, l'hiver y'a peu de chance qu'on se check au ski. J'vois pas l'arc-en-ciel d'Israël qu'à Maccabi voler. Parce que chez moi ça sera maintenant qu'à Wazaki voler. Ça pue les fiottes publiques, les shots publiques. Ah ouais, ça pue l'insecte, ça reste infect. Et c'est toujours la même, même quand j'ai plus un sec. Chaque jour, chaque semaine, le même shit dans ma semelle. J'rentre quand l'état se lève, mais faut pas que l'état s'en mêle. Quand j'suis sous état d'ivresse, j'vois pas plus loin que ma visière. J'risque pas de te satisfaire, parfumé aux trois rivières. Croise les doigts pour pêcher une chaîne dans un 3 étoiles. J'prends pas trace mes bois et sous ma queue dans des fentes très étroites. Toute mon enfance, j'ai eu peur de la mort et de me dire que je n'ai rien connu si ce n'est des pleurs et des remords, donc la peur est d'explorer l'inconnu. Trop tôt bosseur, j'ai proposé des bordels l'art de poser des propos trop borderline pour que bordel art. Tu te reposes tout seul, je suis le gars que tous les flics traquent. Et ma MC veut des Rolex quand les autres portent des flics flacs. Et je geek quand les beats claquent, j'écris te crée de big flac. Depuis ce qui t'écrispe tard la nuit lorsque les flics passent. Je déteste quand les gaufries, mais les nécrophiles et les gros frics. Et où quand y'a que dalle dans mon gaufrie, ouais gros j'prie pour ma santé, pas l'état de mon style. Dans un coin tranquille, j'bédarve et bats les pattes, mon tige. J'ai le visage fatigué, des fils à pratiquer. J'ai changerai bien ma life, malheureusement j'ai pas le ticket. Je traîne quand je suis au bout, en plus de ça je suis sapé sale. La galère elle est présente, je me fous la mine pour zapper ça. Réduit par un vendeur de grec, mes potos turcs, les photos sus. Le temps passe maintenant, les rappeurs s'auto-tunés, s'auto-sus. Y'a que les petits de moins de 16 ans que tous ces clones des arsoles. Marie noircit leur ciel comme l'anticyclone des Açores. Mes cordes vocales effacent, faut pas que mon chant lexical fan. Tu te la racontes, mais sur MSN tu mouisses comme Khalifa. Noir quand je le décalif, frappe les yeux, mes fers on se trouve. Dans le tapon, je te fais on se trouve. Ça fait mal comme quand Khalifa. Mettre en douce, j'ai oublié le passé normal, le présent me couche, débarque, je représente tout. Si y'a un bruit, préviens, on descend tous. Tiens, masse de mecs émotifs qui vont débarquer à leur fuyer. À côté de ce son de Tchernobyl, fait le bruit d'un pétard du 14 juillet. Vu ma vitesse de pop, t'étonnes pas si je dérape dans le virage, je suis pire qu'un cordonnier. Tous les matins, j'ai la gueule dans le cirage. Si je rappe, c'est que je pas trop jeune, j'y crois de faire du dirty, c'est de trop top. À cause de ça, nos gosses confondent le rap avec l'électropop. Ça me fout le seum d'entendre la merde, pour ça que j'enchaîne les shots. Pour voir ton son, je mets pas de lunettes, je le vois déjà à travers celle des shots. Les paroles de Sarko font qu'on se marre bien. Tu veux quelqu'un de sa taille, va voir Joséphine Ange gardien. On n'est pas né de la dernière pluie, pourtant dehors c'est tout le temps le déluge. Mes mains ont des ampoules parce que le bonheur je l'attends depuis des lustres. Toi qui doutais nous, tu fermes ta gueule car finalement tu vois que dans nos mixtapes on fait plus de cartons que lors d'un déménagement. Quand on pose nos faces, c'est toujours la vérité. Aussi vrai qu'on place un blaze derrière un RIP. Beaucoup d'MC sont dans la place, dites-moi combien l'ont mérité. Alors pour les meilleurs, le succès semble les éviter. Nous on a la tête dans la lune, mais on n'est pas prêt de s'éclipser. Pas les couilles de faire de la thune, de la connaissance et du succès. Les gens s'abrutissent sur la une, t'étonnes pas que les tueries succèdent. Et rien que ma jeunesse en fume, elle en a marre d'avoir plus. Merde, j'ai l'inspic qui monte quand j'écoute une nouvelle bouffe. Le mal sonore transmissible a tendance à me foutre les boules. On joue des coudes, la vie fout des coups violents. Le shit nous fait planer, mais trop de trous noirs en turbulence. Une secousse sismique se fait ressentir dans ta banane. Toujours j'ai les cris sensés, mais le son à fond dans ta baraque. C'est freestyle, lourd, allez vas-y, n'y pas. On nous prend pour des pantins, foudrage le fil, il casse. Quand tu rappes, je vois qu'un foyer dans la foule. Quand je déboule, c'est le microphone que j'affole. C'est facile de rapper, difficile d'être MC. Si tu me vois en bas, c'est que j'ai un parcours en dents de scie. Non, je veux pas vous faire danser, je suis sur texte réfléchi, autant dire un rap sensé, un son qui vient te saucer. Black pop vocal, en direct de la rue mon calme, beaucoup de noms sont à citer. Dis-toi que le rap unifie, doute pas de nos capacités. Juste un rappel à l'ordre à l'heure où mon crew décompose. Ras-le-bol individualiste, je crache dessus dès qu'on se croise. Y'a plus d'engouement encore, j'écoute du son le soir, même l'avenir en le fumant. La confusion le voile, malade comme une triste terre. Sur nous les contusions se voient marre. Les prises de tête, le trésor fait raquer l'ardoise. Sourd, entends la colère, dans ce texte j'ai versé la dose. C'est une allergie la poisse, mec j'ai beau me rincer la peau. Aujourd'hui j'oublie rien, même pas je dois quelques mailles. Les dettes ici et là, peut-être à cause des gueules au mic. Marquage administratif, même les huissiers me collent au bas. Issu du plus bas de l'échelle, toute l'importance je donne aux bras. Débrouillard, des activistes, jamais j'ai su ces personnes. On rouille à street vite, faut qu'on grimpe sur scène. Comme ça livre tous ensemble, des fous chacun pour soi. Des biches qu'on fait couler l'encre avant tout c'est le chagrin qu'on soigne. Couler ma clique, s'embraser au fil des ans progresser. Possédé par la même passion, tu sais plus où te placer. Face au brasier qui prend sa source, au cœur des bas-fonds, on désamorce la bombe sur pas de prod, écoute ce que les basses font. J'm'attends pas à ce que le hip-hop nous sorte de la crise. Mais plus que le mouvement se banalise et gloire à l'uniformise. Jette un pavé dans la mare, prends conscience que t'écoutes de la merde. Tu peux m'appeler à la barre, c'est mieux qu'une bouteille à la mer. J'suis pas venu débattre, là les dégâts, il faut que j't'écale de là. J'tire quelques lattes sur un collage, collage décolle, décale, dollar, les catenages, salage, décolle, l'école, c'est noir, j'm'éclate. Dès lors, des corps s'écrasent, des potes s'effacent, c'est plus l'époque de Goldorak. J'ai trop d'orage et toi tu pleures parce que t'apprends que t'as go et queen. J'vis dans un monde bizarre où on se déteste comme Acto et Quick. C'est bien gênant, dur de s'exprimer, surtout quand tu rap win. C'est Claude Guéant, a des paroles crues, c'est qu'on est dur à cuire.